tué pendant une manifestation. Il combattait contre cet effet général de haine. La haine a pris le dessus. Un fanatique, un compatriote de la haine, l'a fait taire. Enfin, une très grosse opération antiterroriste ce matin en Ile-de-France et dans l'Oise. 22 personnes ont été interpellées. C'est l'un des plus gros coups de filet en Europe. L'année dernière a donc tourné au drame un adolescent de 16 ans est mort. Ce sont deux groupes venus de deux quartiers de l'Essonne qui se sont affrontés. À peu près, la police était fortement mobilisée. L'agression d'une enseignante d'art plastique de 27 ans. C'est pas la première fois que des détenus s'évadent ainsi par hélicoptère en France. 60 prisons seulement sur les 188 sont équipées de filins qui empêchent. Les jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre en lançant des bouteilles, des pavés. Ce matin, le calme est revenu, mais après la riposte des gendarmes à coups de grenades lacrymogènes, beaucoup se demandent s'il fallait réellement empêcher le rassemblement des amateurs. Des voitures saccagées, des poubelles brûlées, une dizaine de vitrines brisées. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants ont duré toute la nuit dans le centre. L'interdiction de la rave party a été une erreur. Et nous en avons subi les conséquences. Toujours en matière de santé publique, en Chine, la pollution importante du Yangtze inquiète de plus en plus les experts. Revenons donc maintenant sur la mise en examen du professeur Pellerin 20 ans après Tchernobyl. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Ça ne menace personne actuellement, sauf... C'est donc encore un chien dangereux qui a provoqué un drame hier après la mort... L'année 2005 a vu s'exprimer les tensions et les interrogations qui traversent notre société. Nous allons intensifier encore la lutte contre la violence et la délinquance. Menteur. Battez-vous. Pour vaincre la haine. Gouverneur contre les gouvernés, le sang va claquer, ça vient du 8-4 frère. C'est pire que la réalisation de Tchernobyl, on vous envoie au charbon pour sauver leur cul. Alors que eux, dans leur fauteuil, ils sont tranquilles. La terre est en train de fondre en lave de plomb. Elle devient lourde en fait de déchets nucléaires. Ce qui sort de la bouche de vilains populaires. Et Gigi aussi cet escroc avec ses mots. Il tourne autour du pot, lui invente mon flow, moi c'est du direct. Dédicace ton intermain, ça finira d'un médecin. Tu n'es pas crédible, ouvre les yeux, le futur part dans le noir, dans le mal, dans le monde qui grandit sur cette terre. La terre, la terre, elle devient lourde en fait, chaîne nucléaire. Qu'il soit comme soit de vie, mais pour la terre est en train de fondre en lames de plomb. Elle devient lourde en paix de déchets nucléaires. Qui sort la boue de vie peine polluaire. J-A-R-R-R. H-V. H-V. La haine, la haine, la haine, personne n'échappe pour rien de la haine. Personne n'échappe pour rien de la haine. Toujours un domaine du putain d'affichage s'accumuler en moi. Mittal veut nous exploiter, peut toujours rêver. Je n'achète pas comme cette tasse de Michel dans la Starac. On voit pas les oranges de jour, peu d'orange. C'est des caisses de l'or. Des caisses de l'or. Personne n'échappe pour rien de la haine. Je suis de l'oreille avec mon accent. Je mets l'accent sur la sécurité de route par ici. Et tes commis verts se passent dans les petits verres. Pour se procurer mon boulot, il faut posséder un booster pour faire la gueule devant l'employeur. Pas le tir d'un ancien voleur, elle voit rien de ma quartier. Si je rentre dans ce système avec peine, c'est que je tout fais pour y arriver. J'ai lancé un flow du texte de frérot, avec des beats qui ont percé les mains de la politique. Elle qui était vierge de mon sang, man. Maintenant que dire à leur père l'état, il y a dans le bon drap dans un sale état. Maintenant qu'il a succombé à la tentation, pire que l'île de la tentation. Le son va claquer, ça vient du 8-4, frère. Ça vient du 8-4, frère. C'est du hardcore que tu veux, c'est du lourd que tu veux. C'est des parents en vie de colère que tu veux. Descends dans nos rues, ouais, descends dans nos rues. Plus bas encore, plus bas. C'est ça que tu veux voir. Bon, je crois pas que c'est ça que tu veux voir. Tu peux faire ton petit bureau, t'es l'HQ. T'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. Toi aussi, mec, tu pues. Je pèse plus mes mots depuis mon obésité de rage. Il faut que j'en lâche, je pèse mon sur le cœur. C'est pas mon heure, je veux pas crever d'une crise cardiaque. Je veux avancer car les grands sont passés. J'ai tout fait pour passer toute cette merde. Pour plus le revoir, des filets sous mes yeux. Des filets sous mes yeux. J'ai trop joué avec les mots et me sentir agressé. Nous censurer car personne n'aime la vérité. Je le sais car c'est déjà avec nos frères. C'est de la rancœur qui est à toute heure. Mon acapella s'est mis au combat. Avec sa copine la Zik. Je veux vous verser par les profs déchaînés. Que l'on enchaîne les haut-parleurs. Que tu augmentes le son des haut-parleurs. Les gouverneurs contre les gouvernés. Le son va claquer, ça vient du 8-4, frère. Le son va claquer, ça vient du 8-4, frère. Soigner la terre, c'est ton radio active. Intéresser le système de merde. C'est le bon placement. Pour demain. C'est pire que la réalisation de Tchernobyl. On vous envoie au charbon pour sauver leur cul. Alors que eux, dans leur fauteuil, ils sont tranquilles. La pollution en ébullition. Les ours blancs sont aquatiques. Les papillons plastiques, les coccinelles allergiques aux pucerons. La terre est en train de fondre en larmes de plomb. Elle devient lourde en plein de déchets nucléaires. Ce qui sort de la bouche de vilpin pollulaire. Et Chichi aussi, cet escroc avec ses mots. Ils tournent toujours autour du pot. Je lui envoie mon flow, archivé c'est du direct. Dédicace pour l'enterrement. Ça finira d'un ben sain. Tu n'es pas crédible, ouvre les yeux. Le futur part dans le noir. Noir de mal, noir de monde qui gronde sous cette terre. C'est du hardcore que tu veux. C'est du lourd que tu veux. C'est des parents emplis de colère que tu veux. Descends nos rues, ouais, descends nos rues. Plus bas encore, plus bas. C'est ça que tu veux voir. Moi je crois pas que c'est ça que tu veux voir. Tu veux faire ton petit bureau, t'es d'HQ. T'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. Toi aussi, mec, tu pues. Tu pues. ça avec le succès, on avance, c'est tout vos hardcore. T'inquiète pas, c'est du lourd que tu veux. C'est des paroles envie de colère que tu veux. Descends dans nos rues, ouais, descends dans nos rues. Plus bas encore, c'est ça que tu veux voir. Moi je crois pas que c'est ça que tu veux voir. Tu veux faire ton petit bureau et t'es HQ, t'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. Toi aussi tu mec tu pues. On a capé là, c'est mieux au combat avec sa copine la zic. Je veux bouleverser par les pros déchaînés. Que l'on enchaîne les beaux parleurs, que tu augmentes le son de tes haut-parleurs. Les gouverneurs contre les gouvernés. C'est radiation de Tchernobyl qu'on vous envoie au charbon pour sauver leur cul. Les papillons en plastique, les coquilles allergiques au puceron. La terre en train de fondre en larmes de plomb. Ça finira dans un même sang. Tu n'es pas crédible, futur dans le noir, noir de mal, noir de monde qui gronde sous cette terre. C'est du hardcore que tu veux, c'est du lourd que tu veux. C'est des paroles remplies de colère que tu veux. Descends dans nos rues, ouais, descends dans nos rues. Plus bas encore, plus bas encore. C'est ça que tu veux voir, c'est moi aussi, je crois pas que c'est ça que tu veux voir. Voilà, j'ai fermé la porte. On va faire un petit test du micro avec l'ordi portable. Je trempe ma plume de colonne dans l'encre. J'écris en toute liberté, et thèmes censurés. On essaie de trouver des thèmes chocs qui activent ton cœur comme l'électrochoc. Ma haine est arrivée comme Luc, peu qu'est son ombre. Personne échappe pour rendre de la haine. Du jour en demain, du putain d'infusion s'accumulait en moi. Vital veut m'exploiter, il peut tout vous rêver. Je ne chante pas la michade de la Starac. On vole pas des oranges, nos jours près d'oranges. C'est des caisses et de l'or, je suis doloré. Avec mon accent, je mets l'accent sur les faits. Qui se déroule par ici, été comme hiver. Passe dans les faits d'hiver. Presque à la style Kerry James. J'ai trop joué avec les mots et nous sentir agressés, nous censurer. Car personne n'aime la vérité. Je sais que c'est déjà arrivé avec nos frères. C'est la rancœur qui a tout heure. Là j'ai fait une voix de tasse. Mon acapella c'est mon combat. Avec sa copine la zic. Je veux bouleverser par les pros déchaînés. Que l'on enchaîne les beaux parleurs. Que tu augmentes le son de tes haut-parleurs. Les gouverneurs contre les gouvernés, nous sommes va claquer son île à terre. C'est ton radioactif, intéresse ce système de merde. C'est le bon passement, le bon placement. Pour demain, c'est pire, les radiations de Tchernobyl. On vous envoie au charbon pour sauver leur cul. Alors que eux sont dans leur fauteuil. La pollution, l'ébullition, les ours blancs sont aquatiques, les papillons en plastique. Les coccinelles allergiques aux pucerons. La terre est en train de fondre en larmes de plomb. Devient lourd, tempête de cnéchée nucléaire. Ce qui sort de la bouche de vilpins polulaires. Et j'ai chié aussi ses escrocs avec ses mots. Il tourne autour du pot, je lui envoie mon flow. C'est un direct, dépasse mon enterrement. Trick, trick, trick, trick. Ça finira dans un bon son. Tu n'es pas crédible, le futur est dans le noir. Noir de mal, noir de monde qui gronde sous ses terres. C'est du hardcore que tu veux. C'est du hardcore que tu veux. C'est du hardcore que tu veux, c'est du lourd que tu veux, c'est des paroles remplies de colère que tu veux. Descends dans nos rues, ouais, descends dans nos rues. Plus bas encore, plus bas, c'est ça que tu veux voir. Moi je crois pas que c'est ça que tu veux voir. Tu peux faire ton petit bureau et tes lèches cul. T'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. Toi aussi, même tu pues. T'as un petit test du micro. C'est des chants pour politiques. Des chants pour vaincre la haine.